Puis en fait, le point que sur lequel je voulais t'amener, c'est si les parents d'un enfant à naître font un travail de conscientisation et que les parents vivent une transition psychique par rapport à l'intégration de la conscience supramentale, est-ce que ça va favoriser la naissance d'un enfant qui va être plus dans la conscience? Pas nécessairement. Ça OK. peut être même le contraire. Dans le sens que l'enfant, il peut développer des mécanismes de défense pour se protéger. Parce que le supramental particulièrement, c'est quelque chose qui est lié beaucoup à la souffrance expérimentale. Donc, ça se peut que l'enfant le sente. Donc, il est possible qu'il est dans un chemin totalement contraire. C'est pour ça, des fois, tu as des fils de policiers, c'est des petits bums, puis... Ou au contraire, tu vas avoir le fils de quelqu'un qui est tout croche, puis lui, il veut de la discipline à tout prix, à outrance. Puis là, il fait une carrière militaire ou Mais il je peut y sais avoir un pas quoi. phénomène de rébellion aussi, dans le sens que l'enfant se révèle contre la nature des parents, qui peut être par exemple trop rigide, puis là l'enfant devient un bum ou un artiste ou quelqu'un de plus ouvert d'esprit, là. Ben oui, parce que c'est réactif, l'ego.